الآن أدخل في الحالة الثامنة. ويتيم سيتواسيون. التقنين. التقنين. صورتها أن يحكم بغير ما أنزل الله بحكم وهو أتى به من عنده. Et le taqnin, c'est comme le stibdal. En fait, je ne vois pas vraiment la différence. Sinon, en fait, il juge par autre que la loi d'Allah avec un jugement des lois qu'il met de lui-même. Quand il invente maintenant des lois, en fait. D'accord, il invente des lois. Et ça, ça rentre dans le stibdal. Je ne sais pas pourquoi l'auteur, ici, l'a différencié. Peut-être du fait qu'il y a des ulama qui auront du mécréant celui-ci. Donc il a voulu le préciser. En tout cas, c'est le kufr asghar. C'est comme l'istibdal. Et il dit qu'il y a arba masail tata'alaq bi hadhihi al-hala. Quatre questions. On va pas toutes les lire. Et là, se répète. Il dit qu'il y a une masala thaniya, taht. Istadalla ba'du al-fudala ala takfir bi hadhihi al-hala bi anna ikhtira'ahu li hadha al-qanun يعد منازعة لله تعالى في شيء من خصائصه وهو التشريع. Il a dit certains parmi les ulama de mérite, ils ont rendu mécréant celui qui fait cela, car ils disent que celui qui a mis une loi autre que celle d'Allah, il sera rendu associé à Allah dans ce qui est propre à Allah, qui est le fait de légiférer. D'accord ? Ça rentre comme le type d'elle. تشريع من خصائص الله. Allez, établir des lois soit parmi les spécificités d'Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, des gens, ils ont mis dans le tawhid une quatrième branche, ou le tawhid al-hakimiyya. Ils ont dit tawhid uluhiyya, la divinité, tawhid al-rububiyya, awalan, la seigneurie, tawhid asma wa sifat, et ils ont ajouté tawhid al-hakimiyya, qui est le tawhid dans le jugement, que seul le jugement d'Allah, il compte. Et ça, c'est les Qutbiyyun, Takfiriyun, comme ils se... Tawhid là. Et en vrai, là, ce tawhid, il rentre dans al-rububiyya et dans uluhiyya. C'est pas une quatrième branche à part. Il rentre dans al-uluhiyya. C'est l'obéissance, comme la salat que tu l'as fait. Là, tu juges par l'eau d'Allah, tout comme tu dois faire la salat, tout comme tu dois gêner pendant Ramadan, c'est uboudiyya. Et quand tu juges pour Allah. Et rububiyya, car l'eau d'Allah, azawajal, elles sont kouniyya wa shari'iyya. Donc les ulama disent ça rentre dans les deux. C'est pas une branche à part du tawhid. C'est faux. Ça amène à ça, au takfir, au final. Donc, l'auteur a répondu par rapport à ce kalam, Al-Khalq min khasaisi man, la création. Khasaisi Allah. Tayyib. Il a dit, le musawwir, maza yafal, celui qui fait des images, qui fait des images figurées. Aywa, dans le hadith, que يقول الله عز وجل ها ومن نظم من ذهب يخرق كخرقي et qui donc est plus injuste que celui qui veut créer comme moi. Dans d'autres hadiths, Allah عز وجل a estimé cet acte comme étant une création. Donc est-ce que dans la sunna, chez Jonas Sunna, on a déjà qu'à faire quelqu'un qui fait des souar, qui photographie ou qui filme ou qui dessine, bien que ce soit interdit, mais est-ce qu'il a été rendu mécréant? Là, il dit c'est pareil là. Sauf celui qui fait cela en but qu'il soit adoré en dehors d'Allah. Non. Oui, yakfur. Il fait une statue pour qu'il soit adoré. Il fait une image, un dessin pour qu'il soit adoré. Autre chose. D'accord? Mais mujarrad taswir, adab ibn kabair parmi les grands péchés. Mais, justement, ça rentre dans le fait qu'il veut chercher à imiter Allah azawajal dans sa création. Et Allah dit que cette surah, c'est une création. Est-ce qu'il a été rendu mécréant? Non. Il dit, bah, hada wa hada. Hada wa hada. Après, il est venu avec une grande chevouette que des gens, ils ont, qui est Masala Salisa dans cette hala. Il a dit, « Istadalla ba'd al-fudala à la takfir bi'adi al-hala bi'anna al-mukannin » Mukannin, celui qui fait les lois. « Asbaha ta'routan yutahakam ilayhi min dunillah » Donc, il a dit, « Celui qui fait cela, c'est un ta'rout. Qui apporte de nouvelles lois, c'est un ta'rout. » D'accord? Donc, de là, c'est un kafir. On dit, « Na'am, voilà. » Ça a un ta'arout, naam. Mais la question, hal kulu ta'arout kafir? Hal kulu ta'arout kafir? Ada, est-ce que tout ta'arout est un kafir? Il éprouve que non. Ce n'est pas tout ta'arout qui est forcément un kafir. D'accord. Et ça, beaucoup de gens ne l'ont pas compris également. Ce n'est pas toute ta route, il y a un khilaf. Mais en réalité, ce n'est pas toute ta route qui a un khilaf. Déjà, quand on voit la définition de Muqayyim, ça apparaît. Quand là, « Ma tajawaza bil abdu haddahu min ma'boud » ou « madbour » ou « moutar » ce par quoi le serviteur dépasse les limites comme chose qu'il va adorer. D'accord ? Ça, ça va être du kouf. Ou chose qu'il va suivre. Ou chose à qui il va obéir. Créature, bien sûr. Donc, dès que tu outrepasses les limites en suivant quelqu'un, comme le Moubtadir, ou en obéissant à un tyran, d'accord ? Eh bien, lui, s'il agresse cela, c'est un tarout. Est-ce que c'est un kafir ? Non. Pas forcément. Ça dépend de l'ordre. La chose qui te fait faire et ta croyance dans l'obéissance. Est-ce que tu penses que c'est halal alors que c'est haram? D'accord? Rien de valika. Après, c'est des paroles de Adat ulama, parmi les Qurtubi, yakul, ay, utruku kulu ma'boudin dun Allah, ka shaytan, wal kahin, wal sanam, wa kulu man da'ay le dhalal. Donc, dans le fait de délaisser le ta'out, c'est de délaisser tout adoré en dehors d'Allah, comme shaytan, comme les voyants, et comme les idoles, et toute personne qui appelle à l'égarement. Est-ce que toute personne qui appelle à l'égarement est un kafir? Là. Et il apporte une part de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, كذلك. يقول فإن جاوزت ذلك أولا يقول فحدك أن تكون عبدا مطيعا لله فإذا جاوزت ذلك فقد تعديت وكنت طاغوتا بهذا الشيء الذي فعلته. فَقَدْ يَكُنْ كَافِرًا وَقَدْ يَكُنُ مِنُ ذَلِكَ. Donc il a dit, c'est quoi ta limite? C'est que tu sois un serviteur d'Allah qui l'obéisse. Page 30. Et si jamais tu outrepasses ces limites-là, alors tu auras offensé et tu seras devenu un tarout par cette chose que tu auras commise. Et il a dit, il se peut que, on parle de tarout, il se peut qu'il soit un mécréant et il se peut qu'il soit moindre que cela. Et pareil, il a porté des paroles de un autre ulama, Rufaymi Kazalik, et d'autres qui disent que le tarout n'est pas forcément un kafir. Le tarout n'est pas forcément un kafir. Et pour finir, il a porté une parole d'Ibn Baz, Safat Isnin wa Thalathin. Qala Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, فَإِذَا سَنَّ قَانُونًا يَتَضَمَّنْ أَنَّهُ لَا حَدٍ على الزاني ولا حد على السارق فهذا قانون باطل واذا استحله الوالي كفر. Il a dit, s'il y a une nouvelle loi qui par exemple annule les sentences sur les criminels, par exemple il dit que le fornicateur on lui fait rien, ou le voleur on lui fait rien, regardez, il a dit bien quoi, فهذا قانون باطل, c'est une loi qui est injuste. Là, dans le kalam de Ibn Baz, il ne dit pas qu'il a apporté une nouvelle loi, juste, il ne l'applique pas. Celui qui fait zina, il n'y a rien contre lui. Et celui qui vole, il n'y a rien contre lui. Et bien ça, c'est une loi qu'il aura apportée. En annulant l'ordre d'Allah, il en aura apporté une autre. C'est automatique. D'accord ? Ce sera une loi que c'est permis. Mais ben, il a dit quoi ? S'il rend cela halal, d'accord ? Alors, ça sera un kafir. Donc, s'il ne rend pas cela halal, c'est quoi que ça veut dire ? Ce n'est pas un kafir. En ayant mis une nouvelle loi. Le code pénal, et kaza, et kaza, et kaza. طيب ونكمل بالحالة التاسعة يقول التشريع العام التشريع العام صورتها أن يحكم بغير ما أنزل الله ويجعل هذا الحكم عاما على كل من تحته donc là maintenant c'est quoi, c'est que il va apporter une nouvelle loi qui concerne tous ceux qui sont sous l'autorité et il l'impose. Mais à la base, Moustabil également, généralement le gouverneur, il l'impose. Mais il l'impose. Vous êtes obligé de faire cela. D'accord ? Vous êtes obligé de faire telle chose. Et c'est un jugement qui est autre que celui d'Allah. Et Kavali, qui n'est pas comme les autres. Il ne rend pas cela halal, il ne dément pas le jugement d'Allah, il ne le refuse pas, il ne le préfère pas, il ne le voit pas équivalent. D'accord ? Et c'est quoi l'autre ? Il en manque un ? J'ai oublié. Hein? Et voilà. Et il n'a pas dit que ça vient d'Allah, Ahsante. Mais il avait une nouvelle loi de lui et il l'impose aux gens. Donc, هذا كذلك كفر أصغر. Et ça, on a le style d'elle. Juste question en plus, il l'impose. Donc de là, il dit dans la masala thaniya, تتعلق بهذه الحالة, استدل بعض الفضلاء على تكفير بهذه الحالة باللازم. فرأى أنه لم يستبدل حكم الله بحكم نفسه ثم يجعل ما جاء به حكما عاما على من تحته إلا وهو يعتقد أنه أنفع وأصلح من حكم الله. Donc il y en a parmi les savants de mérite qui disent celui qui fait cela, il leur a écrit pourquoi, car eux ils disent que le fait de faire cela implique qu'ils voient que cela est meilleur. On avait dit quoi auparavant? Il n'y a pas de karaïn. Le tafdil, la préférence, c'est une chose qui est kalbi. On ne peut pas le savoir par les faits. Les stihlal, pareil. C'est vrai que les choses qu'on a prises au début, c'est important. Elles expliquent ce qui vient maintenant. Il n'y a pas de preuve pour dire que lui, il dit que c'est meilleur. D'accord? Mathalène, l'auteur n'a pas cité, là, je vais donner un dalil. Que, surat al-Nur, il y a pour Allah Azza wa Jal, « وَلَا تُكْلِهُ فَتَيَاتِكُنَّ فَيَاتِكُمْ وَلَا تُكْلِهُ فَتَيَاتِكُمْ وَلَا الْبِغَى إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُنَّ لِتَبْتَغُوا أَرَضَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. » C'est-à-dire, n'imposez pas à vos esclaves de se prostituer. Si elles veulent, elles, rester chastes, en but d'obtenir le bien de ce bas monde. Voyez ? ثم قال ومن يكرهن فإن الله بعد كراهن غفور رحيم. Et celui qui les force à faire cela, ben Allah, après qu'elles aient été contraintes, elles, de faire cela, les pardonneurs miséricordieux. Donc, ben, c'est contre ça. C'est contre ça. Surat al-Nur. Donc là, est-ce que celui qui va forcer sa servante à se prostituer pour qu'il lui empoche de l'argent, ça veut dire qu'il voit que c'est halal? Sans quoi Allah, dans le verset, l'aurait carrément dire « Fina la kufr ». Ce que vous faites là, c'est la mécréance. Pourtant, non. D'accord ? Et gazalik est le hadith d'Ibn Omar, lorsqu'il a dit, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « La tamna'u ama Allah masajid Allah ». N'empêchez pas le servant d'Allah d'aller dans les besoins d'Allah. Il a dit quoi, son fils Bilal ?« Wallahi, lamna'anahunna. Lamna'anahunna. Wallahi, je vais leur interdire. » Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il va leur imposer une chose qu'autre que ce qu'Allah leur a permise. Et là, Ibn Omar s'est mis en colère, l'a insulté, il a fait le hajj. Il a juré par Allah, je vais leur interdire d'aller au masjid. Juste avant, on entend le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il va imposer à ses femmes de ne pas aller au masjid. Ça veut dire qu'il voit que c'est préférable. Lui, il voit qu'il y a une maslaha. D'accord? Car il peut interdire, c'est pas quand on dit le... Si jamais il voit qu'il y a un char derrière qui crée une fitna, il peut interdire à sa femme, tu vois. Il va leur imposer de ne pas aller au masjid, de lui-même. Parce que ça veut dire qu'il voit que cela, la salaine, dans l'absolu, c'est halal. Là, sinon, il aurait mécru. D'accord ? Il aurait mécru. Ou ça veut dire, comme on avait dit au début, que ces jugements-là ne sont pas forcément propres au hakim. Demain, un père, il impose à son enfant d'aller à l'école mixte et d'apprendre telle et telle matière qui est illicite parce qu'il veut de l'argent. On va dire que le père, il a mécru, qu'il a imposé à son fils de faire cela. Un père, il interdit sa fille de se voiler. Je te voile pas. Pourquoi? Parce que ça veut faire des machins qui est les casas et casas. Tu te voiles pas. Sinon, je te mets à la rue ou je te fais telle et telle chose. Ou alors, ma salaine, tu prends pas ce grand voile qui couvre tout ton corps. Tu mets juste un petit foulard sur ta tête. Il lui impose. Ça veut dire qu'il a mécru pour ça? Que sous prétexte qu'il a fait cela, c'est-à-dire qu'au fond de lui, il voit que c'est meilleur. Non, peut-être que lui, il a des hawa, il veut de l'argent, il a peur que les gens parlent sur lui ou quoi. Mais il sait qu'au fond de lui, c'est haram, mais voilà. Il impose. Ou un mari impose à sa femme de faire telle et telle chose. Par exemple, il lui impose de faire, d'avoir des rapports alors qu'elle a ses règles. La salade. Ou il impose des rapports pendant Ramadan. Il sait que c'est haram, mais il lui impose. On va dire qu'il a mécru pour cela? Là. Parce qu'on n'oublie pas, on a dit Haza, la yakhtas bil hakim. Toutes ces règles-là ne sont pas propres qu'au gouverneur. Si tu l'appliques sur le gouverneur, tu l'appliques sur n'importe qui d'autre par la suite. Donc, ce call de ces ulama, il n'est pas authentique. Non. Et après, il a sollicité un calame de Cheikh Othaymin qui lui voyait cela avant. D'accord ? Il dit « Lienna هذا المشريع تشريعا يخالف الإسلام فإنه شرعه لاعتقاديا وأصلح من الإسلام وأنفع للعباد. » Il a dit car celui qui impose une loi comme celle-ci, c'est qu'il voit qu'elle est meilleure. Il a pour croire que celle-ci est meilleure que l'Islam. Okay. Donc ça amène à quoi ? Qu'il a maigri. Et dans une autre fatwa qui est venue par la suite, il dit « إذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي للناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فإننا لم نستطيع أن نكفر هذا. » Il a dit « Si maintenant il vient avec une nouvelle loi qui l'impose à tout le monde, qui leur fait une, comme on appelle ça, une constitution, d'accord, mais au fond de lui il sait qu'il est injuste et que la vérité est dans ce que Allah Azzawajal a révélé, alors il a dit on ne peut pas l'emmener mécréant. Parce que des gens prennent la vieille fatwa de Cheikh Othaymin pour dire « Kafir » Cheikh Othaymin, les deux fatawa sur lesquelles il a eu un autre avis, qui sont plus récentes, ce qui prouve qu'il est revenu ce qu'il a dit auparavant. Non. « هذا الذي أخذنا اليوم من أدلة المسائل أو أدلة الحالات التسعة. » On a fini. « فإلى هنا والحمد لله رب العالمين. »